Unité 9, leçon 2. Exercice 59. Lier cause et conséquence avec sous prétexte que ou étant donné que. Exemple. Elles en ont pitié. On leur parle des difficultés de quelqu'un. Sous prétexte qu'on leur parle des difficultés de quelqu'un, elles en ont pitié. À vous. L'éditeur a refusé le manuscrit. L'auteur n'était pas assez connu. Sous prétexte que l'auteur n'était pas assez connu, l'éditeur a refusé le manuscrit. Il a déplacé le rendez-vous. Il avait déjà un autre rendez-vous. Sous prétexte qu'il avait déjà un autre rendez-vous, il a déplacé le rendez-vous. Tu me prives du plaisir de le voir. Tu ne l'aimes pas. Sous prétexte que tu ne l'aimes pas, tu me prives du plaisir de le voir. Les difficultés économiques augmentent. Les revendications ne peuvent toutes être satisfaites. Étant donné que les difficultés économiques augmentent, les revendications ne peuvent toutes être satisfaites. Elle a un autre engagement. Elle n'assistera pas à la soirée. Étant donné qu'elle a déjà un engagement, elle ne pourra pas assister à la soirée. La sécurité maritime est insuffisante. Les risques de pollution augmentent. Étant donné que la sécurité maritime est insuffisante, les risques de pollution augmentent.